Au sport. Le 21 février, au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettre Offer de Saint-François, l'équipe novice B des Sharks du Haut-Saint-François reçoit les cantonniers de Magog 1 à Istengis à 16h15. Pour sa part, l'équipe novice C accueille Metro Plouf Sherbrooke 2 à 15h. L'équipe Pee-Wee A est à la maison pour affronter Metro Brunel Val-Saint-François à 17h30. L'équipe Pee-Wee B affronte Club Piscine Sherbrooke 2 à l'Aréna Eugène Lalonde à 15h. L'équipe Midget B reçoit Hockey Expert Sherbrooke 2 à 18h45.